Elle a défait son lit, comme les nuages défont le ciel, elle refait sa vie. Comme les vagues refont la mer, c'est quoi l'espoir d'une solitaire? C'est un courant providentiel. Elle a pris la photo de cet enfant qu'elle a de lui, orienté son bateau où l'océan rejoint la nuit. La solitude qu'elle a choisie conduira-t-elle sous l'arc-en-ciel? Une femme s'élance, une femme s'en va, une femme s'égare, un horizon dans son regard. Une femme s'élance, une femme s'en va, une femme sublime, à quoi elle pense toute seule déjà? Sur cet abîme, elles savent qu'une vie sans homme, c'est comme un bateau renversé. Mais ces femmes-là sont comme ces oiseaux fous de liberté. C'est quoi l'espoir d'une solitaire? Ne plus voir la terre s'approcher. Si longtemps dans sa ville, où elle était déjà rebelle, elle a cherché son île et n'a trouvé que les tunnels. C'est quoi le rêve d'une solitaire? C'est de ne plus vivre pour l'essentiel. Une femme s'élance, une femme délire, une femme chavire dans les draps blancs de l'océan. Une femme s'élance, en l'équilibre entre sa rage et les orages, une femme sublime. Combien de voiliers magnifiques couchés au fond du Pacifique, combien ont quitté pour le sud l'hémisphère de la solitude, la solitude. La solitude, oh, la solitude. La solitude, la solitude. Without a little love.